Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue en cette semaine de Noël dans un nouveau numéro de Osez Jazz à tous les étages, le 123e historiquement, saison 5, épisode 16, et donc avec toujours ce générique de Bacchus qui nous accompagne depuis 5 ans pour commencer sur un air un peu festif. On aurait pu rajouter des petites cloches, des petits anges qui chantent et tout pour cet avant-veille de Noël, mais bon, voilà, on a préféré rester sur le générique historique. Et voilà, qui dit approche de Noël comme ça, on va faire une émission un petit peu spéciale, ainsi que la semaine prochaine d'ailleurs, pour ces fêtes, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'actualités qui sortent dans les bacs des disquaires actuellement. C'est un petit peu la trêve des confiseurs, comme on dit. Du moins la trêve des maisons de disques. Et donc on va explorer un petit peu sur ces deux émissions quelques rééditions qui sont arrivées dans les bacs ces deux derniers mois à peu près. Il y a un très très gros marché, notamment en jazz, sur la réédition. Alors réédition CD, réédition vinyle bien sûr, avec de bien beaux objets souvent. Et puis même surprise ces jours-ci, la réédition de la cassette de l'album Love Supreme de John Coltrane, assez étonnant de voir ce support aussi pointer un petit peu le bout de son nez. C'est vraiment un pointage de nez microscopique pour l'instant, mais bon, voilà, il y a des gens qui recherchent à nouveau, pourquoi pas, des cassettes comme ça. Donc voilà, les chaînes IFI ont encore de beaux jours devant elles avec tout, la platine, l'ampli, la platine cassette, le tuner bien sûr pour la radio, parce que forcément, pour écouter la radio dans de bonnes conditions sur une chaîne, voilà, il faut un tuner. Voilà, pourquoi pas reconstituer ces belles chaînes qu'on pouvait voir dans les années 70 et 80. Donc toutes ces rééditions, on en parle souvent que à la fin de l'émission, comme ça, pour en mettre une en exergue, mais il y en a tellement que voilà, j'ai décidé sur ces deux dernières émissions de l'année 2025 de vous proposer un petit rendez-vous autour de tout ce qui a pu sortir ces temps-ci, que vous retrouverez après bien sûr en podcast sur www.radioactivefm.fr, et aussi pourquoi pas vous pensez aussi à nous donner vos avis sur l'émission avec tous les deux grands pôles de Osez Jazz, Osez Jazz à tous les étages sur Facebook et Osez Jazz tout court sur Instagram. Toujours Vincent pour nous assurer la technique de cette émission. Et puis pour commencer, on va rester quand même dans cette habitude que l'on a de présenter des génériques dans cette émission, en début d'émission. Et là, nous avons appris quelques jours la mort d'un grand réalisateur américain, Rob Reiner, qui nous a quittés, et dont la filmographie, du moins jusqu'au milieu des années 90, a été une exemplarité absolument exceptionnelle, puisque voilà un garçon qui a commencé par réaliser un faux documentaire, un mockumentary, comme disent les Américains, un documentaire un petit peu moqueur, autour d'un groupe de métal qui s'appelait donc This is Spinal Tap, qui est juste l'un des films les plus drôles de toute l'histoire du cinéma. Ça, c'était en 84. En 86, il fait Stand By Me, qui est un très, très très beau film sur l'enfance et sur les bandes de copains à qui il arrive des histoires un petit peu extraordinaires. En 87, Princess Bride. En 89, Quand Harry rencontre Sally. En 90, Misery, qui est un des plus beaux films hitchcockiens qui ait jamais été réalisé dans les 50 dernières années. Et puis Des Hommes d'honneur après en 92, plus classique, mais un bon polar dans un univers d'une base américaine de San Francisco. Enfin bon, bref, voilà, une belle carrière de réalisateur et d'acteur aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai voulu retenir notamment dans ce qu'il a exploité comme musique, celle qu'il a utilisée dans le film Misery, donc film absolument splendide, adaptation d'un roman de Stephen King, avec dans le rôle principal d'un acteur qui, à suite d'un accident, se retrouve secouru dans un premier temps par une certaine infirmière, Annie Wilkes, quelque part dans les montagnes enneigées. mais qui après devient évidemment son otage, puisque elle ne supporte pas de voir cet écrivain mettre fin à la longue série de romans à l'eau de rose qu'il a écrite et qui ont eu un énorme succès et dont elle est l'une des plus grandes fans. Et voilà, elle va le séquestrer chez elle pour lui faire réécrire ce roman, tout ça dans des conditions un petit peu compliquées, on va dire. Un film qui avait d'ailleurs valu à Kathy Bates, l'actrice, l'Oscar de meilleur rôle féminin en 1990. Ce film commence sous la neige, sous une tempête de neige, avec la Ford Mustang de James Caan, qui a bien du mal à se frayer un chemin sur la route avant de tomber dans un ravin, et tout ça sur la musique de Junior Walker, un morceau qui s'appelle Shotgun Junior Walker, qui était un des grands artistes de rhythm and blues. Il a jamais connu un énorme succès mondial et tout, c'est surtout aux États-Unis qu'il a eu du succès. Voilà, en 1965, il écrivait et chantait ce qui reste un de ses plus gros succès, qui s'appelle le morceau Shotgun, dans lequel il bénéficie quand même de la rythmique de James Jameson à la basse et de Benny Benjamin à la batterie, c'est-à-dire rien moins que la rythmique que l'on entend sur la plupart des morceaux sortis par la Motown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Supremes, etc. Vous allez pouvoir voir une belle rythmique derrière sur ce morceau très rhythm and blues de 1965 et qui sert de musique d'entrée sur le film Misery de Rob Reiner, Shotgun de Junior Walker. C'était le Shotgun de Junior Walker en 1965, réutilisé donc par Rob Reiner comme musique d'ouverture dans son film Misery en 1990. Un bien beau thème de rhythm and blues. où Junior Walker se partage entre le sax et le chant, puisqu'il fait les, deux, il est saxophoniste et chanteur, à l'époque enrôlé par la Motown, avec son Junior Walker All Stars qui l'accompagnait, avec James Jameson à la basse et Benny Benjamin à la batterie. Bien beau groupe et bien bel ensemble, qui a fait le bonheur des années 60. Après, il a un petit peu disparu dans les années 70-80. Sauf que c'est lui, dans les années 80, que vous entendez notamment, qui fait le solo de sax sur le Urgent de Foreigner. Oui, un morceau emblématique des FM américaines. Et bah, c'est lui qui faisait le solo de sax, mais ça a été un petit peu son seul retour, un petit peu limité dans les années 80. On va donc, comme je vous le disais à l'entrée de cette émission, revenir sur pas mal de rééditions qui ont eu lieu ces derniers temps, sur le, principalement au mois d'octobre, et novembre et début décembre, des rééditions donc dont certaines, et c'est le cas de la première dont je vais vous parler, sont sorties dans des versions vinyles de très très très très belle qualité. Ce premier choix, c'est celui d'un duo. Il va y en avoir plusieurs, des duos d'ailleurs, dans cette émission, parce qu'il y a pas mal de rééditions comme ça d'albums faits par deux vedettes ensemble. Ça se faisait beaucoup dans le jazz des années 50-60. Et le premier, donc, c'est Jimmy Smith, l'organiste, et Wes Montgomery, le guitariste, qui en 1966 sortent chez Verve un album qui s'appelle Jimmy and Wes, The Dynamic Duo, le duo dynamique. Et il faut dire que Jimmy Smith à l'orgue n'a pas son pareil pour créer un bon petit groove de sa main gauche et de sa main droite. Et puis Wes Montgomery, on ne présente plus. Un guitariste au jeu absolument unique, puisque pour la plupart du temps, il ne joue qu'avec deux doigts, voire même un seul, le pouce, parfois. C'est tout à fait étonnant, même quand il fait un solo, souvent c'est avec son pouce. Il a une technique tout à fait personnelle. Il n'a jamais pris de cours de guitare, jamais pris de cours de musique. Il ne voulait pas prendre de cours de guitare, il voulait conserver ce style tout à fait personnel et tout à fait unique. Ça ne l'a pas empêché de réécrire un peu l'histoire de la guitare de jazz. Personne n'a suivi son exemple. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas souvenir d'avoir vu un autre guitariste jouer de cette façon-là. Mais c'est vraiment un guitariste tout à fait intéressant, avec un très beau jeu, avec une attaque au pouce tout à fait étonnante. Ce qui n'empêche pas d'être complètement fluide dans son jeu. C'est vraiment vraiment étonnant. Donc ensemble, ces deux musiciens enregistrent en 1966 cet album avec Grady Tate à la batterie, Ray Barreto qui fait une apparition aussi au conga, et puis Richard Davis, le grand Richard Davis, à la basse. Et puis tout un aéropage de cuivre derrière, ils sont très très très nombreux, Bob Ashton, Danny Bank, Jerry Dodgeon, Jerome Richardson et Phil Woods, eux, tiennent les sax, il y a Clark Terry à la trompette, il y a Ernie Royal, Jimmy Maxwell, Joe Newman à la trompette, il y a Jimmy Cleveland, Mel Ballyston, qu'on avait écouté il y a peu de temps dans une émission, on avait fait un coup de cœur dessus, sur une réédition, Mel Ballyston et Quentin Jackson au trompette. Bonne, et tout ça est arrangé et dirigé par Oliver Nelson, qui est l'un des plus grands musiciens, orchestrateurs, arrangeurs, chefs d'orchestre de toute cette période des années 50 jusqu'aux années 70. Un des grands bons hommes qui ont travaillé dans les studios, un petit peu parfois dans l'ombre des vedettes, mais toujours avec beaucoup de goût. Le morceau qu'on va écouter là, c'est extrait de cet album, donc un album donc avec beaucoup de cuivre, ça il y a une belle pêche, il y a une belle un beau groove dans tout ça. Le morceau, c'est Night Train, écrit par Oscar Washington, Lewis Simpkins et Jimmy Forrest, et réarrangé donc par Oliver Nelson. C'est donc Jimmy Smith et Wes Montgomery dans cet album Dynamic Duo en 1966. Si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau pour votre papa qui est amateur de jazz et qu'on est à 3 jours de Noël, et ben voilà une idée qu'elle est bonne. La réédition donc de ce Jimmy Smith et Wes Montgomery, ou Jimmy Smith alors, Wes Montgomery à la guitare bien sûr. Dynamic Duo, ça vient de ressortir en vinyle, un vinyle d'une qualité exceptionnelle. En plus, c'est dans une collection spéciale de chez Verve qui est vraiment très très bien pressée. Donc voilà, vous pouvez vous jeter sur cet album. Donc on vient d'en écouter un extrait avec Night Train, arrangé par Oliver Nelson, produit par Creed Taylor. Aux manettes, c'est monsieur Rudy Van Gelder, donc en gros la mecque du jazz en termes de son et de production. Voilà, donc une bien belle idée cadeau si jamais vous êtes un peu en panique. Et puisqu'on parlait de Wes Montgomery, donc l'homme qui joue avec seulement un seul doigt à la guitare, on connaissait Django Reinhardt avec 3 doigts seulement parce qu'il avait il s'était cramé la main dans un incendie. La plupart des autres guitaristes jouent avec les 5 doigts. Ben non, voilà, Wes Montgomery, lui, avec un seul doigt. Et donc, il y a une autre réédition de Wes Montgomery qui vient de ressortir aussi en vinyle, pareil, dans une très très belle édition, toujours chez Verve, puisque l'album était sorti un an auparavant, 1965. L'album s'appelle Bumping, et là on retrouve Wes Montgomery dans une formation un petit peu plus classique, mais il y a quand même un petit orchestre pour accompagner derrière. Il est accompagné de Bob Crenshaw à la basse, de Grady Tate à la batterie, et de Roger Calloway au piano, et Candido Camero au bongos et au congas. Donc un album toujours produit par Creed Taylor, encore, il est toujours là lui, avec des arrangements orchestraux de Don Sebesky. Mais là, la guitare est un petit peu plus en avant que sur l'album précédent qu'on écoutait tout à l'heure. Cet album Bumping est sorti, oui, donc chez Verve, une période de un an juste avant ce duo qu'on a écouté tout à l'heure de Jimmy Smith et Wes Montgomery. Le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Tear It Down, et là aussi, vous allez voir, ça groove quand même sévère. Wes Montgomery. Thank you. West Montgomery, Tear It Down, on pourrait traduire ça par ça déchire, et en effet ça déchire au niveau rythmique, ça va très vite sur ce morceau-là. Extrait donc de cet album Bumping en 1965, sorti sur le label Verve, et qui vient juste d'être réédité en glorieux vinyle, un très très beau pressage en plus, vraiment magnifique. On continue avec cette exploration avec encore un duo, donc. Après Wes Montgomery et puis Jimmy Smith tout à l'heure, on a maintenant un duo, une réédition aussi, toujours chez Verve. On va croire que j'ai des actions dans ce label, mais ils font vraiment de très très très belles choses et ils rééditent vraiment beaucoup de très beaux albums en ce moment. C'est Clifford Brown, trompettiste, et Max Roach, le batteur, qui en 1955 sortait cet album Studying Brown, enfin sorti en 56 très exactement, au moment justement de la mort de Clifford Brown mort dans un accident de voiture à l'époque. Donc cet album Studying Brown, ils l'avaient enregistré ensemble dès 1954 et au début de 1955, et on y retrouvait du joli monde, parce que c'était carrément un des plus beaux orchestres de bop qui a pu exister à l'époque, avec Harold Land au sax, Richie Powell au piano, George Morrow à la basse, et bien sûr donc Max Roach à la batterie et Clifford Brown à la trompette. C'était vraiment un très très bel ensemble, et sur ce Studying Brown, en fait, ils font vraiment des prouesses de jeu. C'est vraiment, vous allez pouvoir vous en rendre compte, tout à fait étonnant. Alors la réédition est très très très très belle. Elle était vraiment rééditée à partir des bandes analogiques d'époque sur du 180 grammes. Fait un bel objet, un petit peu cher, on va le dire carrément, mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas. On va pouvoir écouter un morceau qui s'appelle tout simplement Swinging, et on n'est pas trompé sur la marchandise, vous allez voir, ça swing. Max Roach, Clifford Brown, extrait de l'album Studying Brown. We'll be right back. On a l'impression qu'ils se sont lancés un défi, genre le dernier arrivé à la coda est fan de Phil Collins ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, je sais pas combien ils sont, mais ils sont au moins à 140 BPM. C'est impressionnant quand même de les entendre jouer ce thème. Et puis quand Outland prend son solo de sax, moi je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à respirer pour lui, hein, pendant ce court instant où il fait un solo absolument incroyable. Voilà, c'était donc Clifford Brown, Max Roach, extrait de cet album Studying Brown. Le morceau s'appelait Swinging, et comme je vous le disais, on les avait pas menti sur la marchandise, ça swingait quand même sévèrement, presque un peu trop même. Moi, ça m'a fatigué tout ça. Mais bon, on va quand même enchaîner avec une autre réédition qui concerne toujours l'un des deux hommes qu'on vient d'entendre, Max Roach lui-même, en 1961, qui lui venait de signer sur un nouveau label qui s'appelait Impulse à l'époque, et qui sortait donc cet album qui s'appelait Percussion Bittersweet. Et là, bon, c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus travaillé, comme on l'a pu l'écouter dans une émission récente où j'avais déjà passé un morceau de Max Roach extrait d'un autre album. Voilà, il y a encore sa compagne Abby Lincoln qui chante sur un ou deux morceaux de l'album, mais c'est pas cela qu'on écoutera. Il y a beaucoup d'arrangements, un groupe assez impressionnant dans lequel il y a Booker Little à la trompette, Julian Priester au trombone, Eric Dolphy à la clarinette basse et la flûte, Clifford Jordan au ténor sax, Mal Waldron au piano, Art Davis à la basse, Max Roach bien sûr lui-même à la batterie et Carlos Patato Valdés au conga. Donc ça fait du joli monde, toujours dans les studios de Rudy Van Gelder, des c'est l'homme, l'ingénieur du son incontournable de l'époque, donc dans le New Jersey, à Englewood Cliffs. Ça a été enregistré sur une seule journée, bah tiens, tant qu'à faire, autant réduire les coûts, comme disait l'autre, le 3 août 1961. Et voilà, on retrouve des morceaux un petit peu plus voilà sophistiqués, même si parfois on revient à l'essence du jazz, comme sur ce Mama qu'on va écouter, extrait donc de cet album de Max Roach, Percussion Bittersweet. We'll be right back. Max Roach, Mama, extrait de cet album Percussion Bittersweet qui vient d'être réédité, datant de 1961, et sur lequel on retrouvait pas mal de jolis monde, Booker Little, Eric Dolphy, Clifford Jordan, Judan Funster, et un certain Mal Waldron au piano qu'on n'entendait pas beaucoup là dans le mix. Et ben, si je vous sors justement ce nom de Mal Waldron, c'est parce qu'on va passer un petit moment avec lui, parce qu'il y a pas mal de rééditions aussi autour de lui. Mal Waldron, c'est une carrière absolument incroyable dans le monde du jazz, puisqu'on va écouter deux morceaux sortis sur deux albums qui viennent d'être réédités. Le premier date de 1957 et le deuxième date de 2002. Vous imaginez bien que ça fait une jolie petite carrière quand même d'enregistrement derrière lui. On va donc commencer avec un album sur lequel il apparaît, il n'est pas sous son nom, mais sur lequel il apparaît. C'est un album de Tad Jones avec Frank West, Kenny Burrell et Mal Waldron. Tad Jones donc est un superbe trompettiste qui faisait partie du label Prestige à l'époque, qui était un label qui était un des plus cotés avec Blue Note et Verve aussi aux États-Unis, sur lequel enregistrait d'ailleurs Miles Davis avant de signer chez Columbia. Tad Jones à la trompette, Frank West flûte et au sax ténor, Mal Waldron au piano, Kenny Burrell à la guitare bien sûr, Paul Chambers à la basse et Art Taylor à la batterie. Un bien joli sextet pour cet album, qui est un album tout à fait classique, hein, vraiment un superbe morceau, dont le titre est donc After Hours, et dont le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Steaming, et on l'écoute tout de suite. C'est une composition de Mal Waldron lui-même. Thank you. C'était donc Mal Waldron en compagnie de Tad Jones, Frank West et Kenny Burrell sur cet album After Hours qui date de 1957, sorti à l'époque sur le label Prestige et enregistré, devinez-où, et bien toujours dans les studios de Rudy Van Gelder dans le New Jersey, l'incomparable et l'incontournable Rudy Van Gelder, donc avec cet ensemble magnifique. Alors, 1957, Mal Waldron venait de quitter malheureusement l'ensemble de Billie Holiday, dont il était le pianiste un petit peu attitré, malheureusement bien sûr, parce que Billie Holiday était morte quelques années auparavant. Et tout au long de sa carrière, Mal Waldron, qui restera marqué par cette expérience auprès de la divine chanteuse, reviendra régulièrement sur le répertoire qu'il a pu jouer avec elle en l'accompagnant. En 1986, avec un premier album qui s'appelait Left Alone, qui le voyait se consacrer uniquement à ce répertoire-là, en compagnie de Jackie McLean. Et puis, en 2002, il sort un autre album qui s'appelle Left Alone Revisited, dans lequel il reprend certains de ses titres justement sortis en 1986, mais aussi d'autres, en compagnie de Archie Shepp, donc juste un duo, piano et sax. Les deux hommes se complètent parfaitement. Ils ont absolument plus rien à prouver en 2002, puisqu'ils ont une carrière déjà longue de près d'une cinquantaine d'années tous les deux derrière eux, qui les a vus jouer auprès de Billie Holiday, devenir des champions du free jazz, ensuite se recentrer un petit peu sur un jazz classique, voire sur un jazz spirituel. Enfin bon, ils ont eu un peu tout connu des évolutions du jazz entre les années 50 et les années 2000, et donc en 2002, pour le label Enja, ils réenregistrent tous les deux seulement quelques titres de Billie Holiday qu'ils reprennent comme ça en version plutôt cool, plutôt très très à l'écoute l'un de l'autre. Ils ne se marchent pas sur les pieds, hein, c'est vraiment d'abord un hommage à Billie Holiday et puis aussi une forme de musique dans laquelle ils montrent le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Et je vous ai extrait de cet album-là un morceau qui s'appelle Blues for 52nd Street, Mal Waldron et Archie Shepp, donc en 2002. Can I go home with you? heart, little girl. I wanna go home with you. I'm walking all over town and I don't know what to do. Look at me. I told my baby I'm gonna give it my best shot. Lord, I told my baby, girl, I'm gonna give it my best shot. Hard to tell the truth, child, you the only thing I got. Look at you. Whoa, Lord, Lord, Lord, all right, baby, I'm gonna do the best I can. All right, baby, I'm gonna do the best I can. If you don't want me, got to get yourself another man. Yeah, take it, piano man. Tell him like it is. California, I got California on my mind. Whoa, Lord, Lord, Lord, California, California on my mind. Going on home. Seem like California, baby, California all the time. This old boy got the blues. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Le disque testament, quelque part, de Mal Waldron, puisqu'il est mort quelque temps après l'enregistrement de cet album Left Alone Revisited en 2002, sur lequel il joue du piano en reprenant les thèmes de Billie Holiday qu'il avait accompagné au début de sa carrière. Et c'est Archie Shepp qui chante de cette voix absolument inimitable et qui joue du sax aussi sur cet album. Très très bel album qui vient de ressortir donc en vinyle et qui permet de réécouter quelques standards de Billie Holiday revisités par ces deux géants, Archie Shepp, Mal Waldron, sur cet album donc Left Alone Revisited. J'évoquais tout à l'heure Jackie McLean, donc avec lequel Mal Waldron avait enregistré un premier hommage à Billie Holiday en 1986. Eh bien, il se trouve que Jackie McLean voit aussi un de ses albums réédité actuellement en vinyle, toujours. Un album de 1963 sorti sur Blue Note, puisqu'on est dans les grands labels. Voilà, on continue avec les grands labels. Le morceau s'appelle, l'album par contre s'appelle One Step Beyond. On y retrouve un joli ensemble qui l'accompagne avec Moncur III au trombone, Bobby Hutcherson au vibraphone. Alors c'est une des nouveautés de cet album. Jackie McLean, jusque là avec son sax alto, était toujours accompagné d'un pianiste. Là il remplace le piano par un vibraphone, donc ça donne une tonalité un petit peu différente à sa musique, mais tout aussi séduisante. Il y a également Eddie Kahn à la contrebasse et Tony Williams, le grand Tony Williams à la batterie. Donc on est sur un album, voilà, qui est toujours dans le classé un petit peu dans le hard bop, mais qui commence à avoir du fait de la présence d'un vibraphone à la place du piano, qui crée un côté un petit peu plus spatial par les résonances qu'il crée, quelque chose d'un petit peu plus post-bop, si on peut s'exprimer ainsi. Enfin, le mieux pour s'en rendre compte, c'est encore de l'écouter. Le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Blue Rondo, extrait de ce One Step Beyond de Jackie McLean. Thank you. Jackie McLean avec cet album One Step Beyond, rien à voir avec Madness hein, bien sûr, enregistré en 1962 et sorti en 1963 sur le label Blue Note. Et je vous le donne en mille et mille, qui est aux manettes comme ingénieur du son? Rudy Van Gelder, comme d'habitude. C'est encore enregistré par lui, c'est incroyable ce qu'il a pu enregistrer comme merveille cet album, cet homme-là à l'époque. Jackie McLean donc était au sax et Bobby Hutcherson au vibraphone sur ce titre Blue Rondo, extrait de cet album donc One Step Beyond. Voilà, on arrive tranquillement au dernier morceau de cette émission qui j'espère vous aura plu et vous aura peut-être donné quelques idées de disques à glisser sous le sapin pour les amateurs de jazz dans votre entourage. Le dernier morceau que l'on va écouter avant de se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission, là aussi toujours consacrée aux rééditions, et en vous souhaitant au passage un très joyeux Noël que j'espère bien rempli et en famille. Voilà, on va vous quitter avec donc Vincent qui a assuré toujours la technique avec beaucoup de brio comme d'habitude. On se quitte avec un autre duo puisque il y a deux rééditions ces temps-ci encore en CD et en vinyle, là sous les deux supports, de Albert Ayler et Don Cherry sur leur tournée des années 1964 et 1966 en Europe. Constitué un des duos vraiment leader du free jazz, mais pas que, parce que ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous passer un morceau complètement déchiré comme ça en plein milieu des fêtes. Ce qu'on va écouter là est plutôt relativement abordable. Le morceau en question s'appelle donc Ghosts, et donc celui que j'ai choisi c'est un extrait de cette tournée 1964. Donc là ça sort dans deux gros coffrets, Europe 64 c'est 4 vinyles et 2 CD, le Europe 66 c'est 4 vinyles aussi et 2 CD pareil, avec une tournée très très riche qui les voyait accompagnés de Sonny Murray à la base et Gary Peacock à la basse, le grand Gary Peacock, oui, qui était déjà là dans ces années-là, toujours prêt à donner de la basse derrière ses pionniers du free jazz, Don Cherry donc à la trompette. Et Albert Ayler donc au sax très vivifiant, tout est improvisé. Il partait en tournée avec des grilles quand même, des idées de morceaux, des standards, etc. Mais à chaque fois, chaque soir, dans les concerts, tout était en grande partie improvisé, mais pas improvisé comme on fait aujourd'hui. On dit, ouais, on a improvisé, mais on a quand même répété 50 fois le morceau auparavant. Là, vraiment, il se lançait, mais sans filer, comme ça venait. Et à chaque fois, voilà, c'était assez étonnant. Alors, je vais pas vous passer des morceaux de 10 minutes qui partent dans tous les sens. Je vais choisir un morceau relativement court qui s'appelle Ghosts, donc, qui est extrait d'un de ses concerts enregistrés en Europe en 1964. Albert Ayler, Gary Peacock, Sonny Murray et Don Cherry pour un sommet de jazz voilà, servi comme ça, en sortie de cuisine, comme on dit, avec l'impro qui va avec. Merci encore à Vincent pour avoir assuré la technique de cette émission et je vous donne rendez-vous donc le lundi 29 pour la dernière de l'année avec encore tout un tas de rééditions. D'ici là, portez-vous bien et que le jazz soit avec vous. We'll be right back.